Voici quatre portraits de Charles Deleuze, extrait du livre Les Caractères, édité en 2020, lu par Charles Deleuze pour audiocité.net, audiolivre gratuit, enregistré en 2020. Fanatique. Il est dévoué, mais à son âme, ou ce qu'il en reste. L'ombre de sa croix est son tapis de prière, et sa barbe le voile qui le montre. Il espère le paradis par l'enfer donné aux autres, la nuit de ses idées étant le mur qui le protégerait comme Maginot avant lui. L'avortement est pour lui le seul génocide qui mérite une stèle qu'il mettrait sur la bouche des femmes, son orgueil étant aussi gros que les ventres qu'il aimerait voir ainsi. Il mélange Dieu et la nourriture, comme si Dieu était la sauce de son plat sans saveur. Son impudence est sans limite, car il en a tué les gardes-frontières. Les barreaux de son âme sont malheureusement le filet qui emporte d'autres vers sa guerre. Il veut la liberté de ne pas l'être et l'imposer au genre humain, ce que même son Dieu n'a pas osé. Ses chaînes de tissu ou de papier coûtent moins cher que du fer, mais bien plus solides, réservant le métal à ses armes. Il déclame Dieu qui ne le réclame, mais espère Dieu qui désespère. Il ne renie rien pour lui, mais dénie tout pour les autres. Il est fanatique. Complotiste. Lui et sa maladie ne veulent pas du vaccin. Sa seule préoccupation est le présent, non l'avenir, pour éviter l'effet secondaire du vaccin, oubliant celui de la maladie, c'est-à-dire mourir. Mais il n'oublie pas les autres, espérant qu'ils soient vaccinés, comme lui l'a été enfant, et ce pour préserver ses enfants. Il croit la vérité ailleurs, mais ne la cherche nulle part. Sa foi est son credo, mais Dieu lui laisse le choix. Il récuse tout, mais n'apporte rien, comme un enfant refusant son assiette. Sa qualité est de douter, mais à se méfier de tout. Il ne se fie à rien, et donc se cherche un autre Dieu, ou une autre loi, auquel il croit en tout. Il est le premier pas du fanatique, mais le deuxième du sauveur, ne lui manquant plus qu'une croix. Il est complotiste. À la mode. Il aime porter et se faire porter, avoir pour être. Ce qu'il est sans fin, cupide qu'un jour suivant. Il ne s'oppose jamais, actif dans le rien. Il cherche le nouveau qui sera vite hier. L'art pour l'art, mais dans du sable. À un coup de vent, il s'envole, la chasse aux produits s'ouvrant aussi toute l'année. Inquiet par les annonces, il tend l'oreille, puis son argent. Rien ne calme son ardeur. Il est amoureux de lui par ses objets. Il paraît, il existe. Il n'a plus, il est triste. Il comprend son temps. Il est de son temps. Il passera avec. Il est à la mode. Plagieur. Voler plutôt que travailler, car être original est dur. Il fait du copier-coller. Il travaille d'arrache-pied ou d'arrache-main. S'il est pris sur le fait, il a une excuse toute faite. C'est un hommage. Mais il ne nomme jamais avant, car un hommage est pour lui un trésor à découvrir et surtout à cacher. Il espère être connu, mais pas découvert, comme les auteurs qui n'écrivent pas leurs livres, mais juste leur nom. Comme une plaque tombale ou un fantôme. Déjà Jouze ose le montrer nu, sans même son hommage pour le couvrir. Il est plagieur.